La confiance perd, tu considères ton meilleur pote comme un frère. Et l'enfoiré, c'est de ruiner tes affaires dans ton dos. T'as pas d'autre choix que de sortir le couteau. Ton business attire un peu trop l'attention, direction le cachot. T'as pris une dizaine de mois ferme, mais ta gosse est barrée poser son couloir sur un barreau bien ferme. La justice est saisie, ta mère, que c'est la merde. Ce bâtard d'avocat te prend le peu d'une qui te reste. À l'extérieur, les gars qui doivent du cash font la fête sur ton compte, se disant qu'ils sont pas prêts de revoir ta sale tête. À la sortie, t'as que dalle, à part la haine. L'obligation de revoir le juste application des peines. C'est enculé de sermon et signal. Comme un coup de vent, tu replonges. Donc direction la NPE et cette putain de galère qui tronche. C'est pour mes gars que moi j'ai sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tous ceux qu'on peut qualifier de lascar. Qui deviennent dingues pour un mauvais regard. C'est pour mes gars que moi j'ai sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tous ceux qu'on peut qualifier de lascar. C'est juste leur putain d'histoire. Les périodes de chômage s'alternent entre formation et contrat de merde. Files d'attente dans leur bureau interminable comme la roue du bled. Tu dis que c'est pas la joie dans ce putain de bas monde. T'as envie d'aller au palais de justice et te faire péter une bombe. T'es pas le genre à prendre le bus comme tout le monde. Mais t'as pas le choix car t'as plus de caisse, putain c'est la zone. Donc prends ta dernière paye, investis là pour que ça rapporte un peu plus d'oseille. Quitte à ce que ça te nique un peu le sommeil. T'es déjà béton, tu connais le truc, les condés surveillent. Et t'as plus le choix, pour toi c'est une question de survie. T'as l'impression d'être en mission comme un soldat d'Almaki. En plus tu dis qu'à part ça, tu sais rien faire d'autre. Mis à part filer des baffes aux salopes qui jacquent, tout te respecte. Qui ferment pas leur gueule quand on leur passe les menottes. Qui filent pas le blé quand c'est le jour de la récolte. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. Qui deviennent dingues pour un mauvais regard. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. C'est juste leur putain d'histoire. Ça fait un bail que t'es grillé, tu pensais être discret. Que tu faisais des trucs sans trop te faire remarquer. Mais tout le monde sait, pas besoin de montrer les jaloux Jacques. Ils veulent ton blé, ils veulent te voir tomber. Tout le monde veut le gâteau, on parle même plus de part. Y'a tellement de gars sur le coup que finalement il reste que des miettes. Tout le monde veut flamber au tchèque à mettre plein la vue aux minettes. Les gamins regardent ça avec envie, se disent putain moi aussi je veux en être. C'est ça le drame dans toute cette connerie, c'est que les petits prennent trop vite la relève. 14 ans, des fois moins à une ken, je on lève. Ça se prend pour un homme après la première gardave. Première perquise chez le monde, mais c'est la grosse merde. Lui a rien donné, mais le gars à qui tu donnes la fée. Ce gros connard et béton dans la foulée. Les taux se resserrent, c'est déjà trop tard. Le prochain, j'avais le prochain placard. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. Qui devient dingue pour un mauvais regard. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. C'est juste leur putain d'histoire. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. Qui devient dingue pour un mauvais regard. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. C'est juste leur putain d'histoire. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. Qui devient dingue pour un mauvais regard. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. C'est juste leur putain d'histoire. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère. Toujours fourré dans les sales affaires. Tout ce qu'on peut qualifier de lascar. Qui devient dingue pour un mauvais regard. C'est pour mes gars qui ont mangé sévère.